De cette zé de la ronde, poteau. Cartel de Sinaloa. Deux sept. Sinaloa. Soit ils l'ont profond au fond du gosier, soit ils passent leur temps à se baisser pour amasser leur dossier. Je vais prendre sans qu'on me le donne, vu qu'on a souffert. Je veux une Lamborghini Revenson et une colle à tout faire. Les Mayas avec tout dit, ça m'en a tout l'air. Le rap français fait connerie, il ressemble à Poudère. Comme again, c'est la haine, c'est la haine. Barbu comme le fantôme à Ben Laden. On a connu beaucoup d'actes, il a foué. Faisait du fauteur, fumait du crack comme un couac. Je parle à ses necks, t'as rien de méchant, oui je pense à toi. Ta soeur a ses règles, donc elle voit du sang, plus souvent que toi. Les nuits sont traîtres, ses fils se font arroser. Quand tu manges ton grec, je pisse du champagne rosé. Je vais planter mon drapeau dans ton trou de balle. Tu dis beaucoup plus de mots que tu tires de balles. Regarde l'équipe tout péter que tu t'es dégoté. Par la bouche, par le U, ta mère sort des deux côtés. Tu sais bien que je vais revenir. Dur comme un bras. Cette fois pour bien te punir. Je prends du temps à ma grâce. Il y aura toujours des barrières. Ma gueule est plus grosse que tes vitres arrière. Je vais t'allumer pour éteindre ta petite carrière. Sors de RIAB et je me promène la bite à l'air. Tu poses des détentes, j'écoute ce qu'ils prétendent. Toi sur la détente, j'attends que c'est détente. Je suis plus par aucun gueule. J'ai les sudistes. Si la français me subsiste. Fuck les puristes. Rappeur ne prend plus de risques. Disque ne vend plus de disques. Non, je mets les petits plats dans les grands plats. Tu me tiques dans les grands plats. Galilée avait raison et tant pis. La terre est ronde, mais ton cul est bien plat. Arme de toute catégorie. J'ai la logistique, non plus large que le gorille, avec le magic stick. Y'aura jamais de one-one, bitch, c'est pas la fête, non, j'suis Obi-Wan, bitch, des gens de fête. C'est la loi, négro. Bloc, choix, encore, béton. C'est la loi, négro.